Chapitre 15e. Le mort s'échappe. Mais tout à coup, résonna un bruit de piques et de coups donnés fortement au loin dans le couloir, sur la voûte, à terre, d'un côté quelconque. Martin Huma ne s'en rendait pas compte exactement, car les coups lui arrivèrent assourdis et répétés par un écho trompeur. Mais enfin, il comprit qu'un travail se faisait autour de lui dans les environs de sa prison. Martin Huma savait fort bien que ce ne pouvaient être les hommes qui avaient fui qui travaillaient ainsi. Ils devaient fuir toujours, trop heureux d'échapper et ne pas s'attarder à perfectionner, s'il était possible encore, leur œuvre de mort. Donc, c'étaient ces hommes à lui. C'étaient ces êtres fidèles qui le cherchaient. Eux qui accouraient à son secours, eux qui étaient sur sa piste. Ils allaient arriver. Mais Martin Huma, maintenant, sentait, à la pression de l'air qui se faisait rare, que l'eau montait toujours, que l'eau allait bientôt atteindre la voûte, entrer dans son tombeau. Et il se disait que, malgré toute leur diligence, leur activité, leur courage, ces hommes, à moins d'un miracle, et il ne croyait pas au miracle, ces hommes arriveraient trop tard. Ils ne pourraient le sauver. S'ils le découvraient jamais, ils ne trouveraient qu'un cadavre. Tout à coup, il lui sembla voir, par l'ouverture de sa tombe inachevée, passer un rayon, une clarté quelconque rapide et fugitive. Alors Martin Huma cria « Prosper, Philippe, à moi, mes amis !» Et il eut cette joie d'entendre l'écho de la voûte répéter ses paroles et porter au loin son cri d'appel. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas un sentiment de faiblesse humaine quelconque. Ce n'est pas l'horreur de la mort épouvantable qui le prenait, qui arracha ainsi des lèvres de Martin Huma cet appel, ce cri au secours. Mais le roi des détectives se dit qu'il n'avait pas le droit de mourir encore. Son devoir n'était pas accompli. Sa tâche n'était pas finie. Il venait de découvrir un secret précieux. Une campagne nouvelle commençait. Il se rappelait qu'il avait dit à ses bandits « Au revoir ». Et il pensa qu'il goûterait peut-être cette joie immense de tenir à son tour, les mains enchaînées, ceux qui, il y a un moment, l'avaient eu, lui, ligoté, ficelé à leurs pieds. Qu'il entendrait prononcer l'arrêt suprême de ceux qui avaient prononcé son arrêt de mort à lui. Et convaincu que la justice doit être la plus forte et le bon droit toujours vainqueur, il ne voulait pas mourir encore, ayant beaucoup à faire désormais. Il appela de nouveau « Prosper, mes amis, à moi !» Et cette fois, au son de sa voix qui partit en roulant dans la voûte, un cri de joie et d'angoisse à la fois, mais d'espérance profonde, arriva jusqu'à lui. « Chef, nous voici !» Dans le souterrain, aussitôt, une lumière brilla. Prosper, muni de sa lampe électrique, arrivait. Il s'engagea dans ce souterrain, commença à descendre les marches et bientôt toucha l'eau qui montait, toujours, qui gagnait de plus en plus la voûte. Prosper dirigea en tous les sens sa lumière électrique, cherchant à voir. Il ne pouvait apercevoir que des murs noirâtres, humides, sales, horribles. Il lui était impossible de deviner que son chef se trouvait au bout de ce couloir, derrière ce mur élevé tout récemment, mais qui, noirâtre, ressemblait absolument aux autres murs. De plus, l'eau qui coulait du plafond cachait le trou noir et étroit qu'on eût aperçu sans cela, derrière lequel Martin Huma ne respirait plus que difficilement. Prosper descendit jusqu'à l'eau des marches. Il appela « Chef, où êtes-vous ? » Martin Huma put crier « Ici, ici !» Mais il était impossible, avec la voix qui roulait dans ce boyau étroit, d'en connaître la direction, d'avoir conscience d'où elle partait. Il appela de nouveau. Prosper se désespérait. « Chef, précisez, dites-moi où vous êtes !» Et déjà, sa lampe électrique attachée à sa casquette, il entrait dans l'eau qui maintenant lui montait jusqu'à la ceinture. Muni d'un pic, il s'avançait dans le couloir, appelant de nouveau « Chef, chef, parlez !» Martin Huma comprit ce que demandait son fidèle Prosper. Il comprit qu'on ne savait pas où il se trouvait, qu'il était impossible de le voir et que sa voix sortant par le haut de cette simple ouverture invisible ne parvenait pas à donner une indication précise, qu'elle révélait seulement sa présence. Il eut conscience qu'il fallait hâter autant que possible l'œuvre de délivrance. Dans quelques minutes, il serait trop tard, puisque maintenant l'eau commençait à envahir son tombeau. Il cria encore « Prosper, par ici, derrière l'eau qui tombe, arrivez !» Prosper, ayant un but précis, alors s'élança. Il dut nager. Il lui était impossible de marcher dans le remous de cette eau et d'appuyer ses pieds sur ce sol de terre glaise glissante. Il nagea de toutes ses forces et arriva enfin au mur. Il aperçut l'ouverture étroite du haut et s'écria « Vous êtes là, chef ?»« Oui, oui, démolissez ce mur. Je suis attaché, ne puis faire aucun mouvement. Dépêchez-vous, l'eau me gagne. » Prosper, alors, engagea son pic dans l'ouverture, appuya, tirant de toutes ses forces, et parvint à faire tomber le premier rang de briques. Il attaqua encore le mur. Mais l'eau maintenant envahissait de plus en plus vite le tombeau de Martin Numa. Martin Numa s'était tu. Il avait conscience que son aide, en courant à sa délivrance, hâtait sa mort. Cependant, Prosper allongea le bras. Il sentit le corps de son chef, mais il vit que l'eau allait arriver à la tête de Martin Numa. Alors, comme un fou, de toutes ses forces, il appuya sur le mur, fit sauter un rang de briques, en fit sauter un autre encore, et attira à lui son chef qu'il croyait déjà noyé. Prosper, tout en travaillant, pleurait, rugissait de rage, semblait fou. Il appelait son chef, son maître, comme s'il eût appelé son père. Et il eut cette joie, en même temps que cette terreur du résultat tardif, de dégager celui qu'on avait muré. Il le prit dans ses bras. Il l'éleva pour lui faire respirer le peu d'air qui se trouvait en haut de la voûte. L'accrochant sur son dos, il se remit à nager. Il se demandait avec angoisse s'il aurait le temps d'arriver jusqu'aux marches, d'atteindre la porte par laquelle il était entré dans ce souterrain. Tout faisait craindre, en effet, que l'eau n'envahît soudain complètement ce souterrain, cette cave, n'atteignit le plafond et ne permit pas à Prosper d'achever son sauvetage émouvant. Voici que tout à coup, comme il levait la tête pour respirer, prendre de l'air suffisamment pour un nouveau plongeon, son front heurta le plafond de la voûte. La lampe électrique accrochée à sa casquette se brisa et s'éteignit immédiatement. Prosper eut un cri de désespoir terrible. Maintenant, il ne pouvait plus se guider. Il allait, comme un aveugle, se heurter au mur et peut-être, près de l'issue, ne pouvant la trouver, expirer, mourir sur le point de toucher au but. Il ne pouvait, en vérité, espérer aucun secours. Il était impossible de lui venir en aide. Et il se trouvait maintenant fatalement condamné à périr au moment où il allait être victorieux. En effet, il avait placé ses hommes à différents points du couloir afin de rechercher le chef et de surveiller des pieds en même temps ceux que l'on poursuivait. Tous, observateurs de la consigne, resteraient à leur poste. D'ailleurs, ils ne pouvaient entendre les appels du désespéré. C'était bien la mort, c'était bien la fin. Mais soudain, une lumière brilla à quelques pas de lui. Il sentit une main saisir sa main, le tirer violemment et le ramener jusqu'aux marches. Peu après, il se trouvait au-dessus des marches, en dehors de cette voûte sinistre. Il était sauvé et il voyait sauver avec lui le chef, Martin Numa. C'était Philippe qui partit, lui, avec son équipe de la rue Milton, par les caves de la maison mystérieuse, ayant placé ses hommes de façon à rejoindre ceux de Prosper, parcourait seul le souterrain, appelait Prosper et recherchait maintenant les deux disparus, son ami et le chef. Par le plus grand des bonheurs, il passa devant l'ouverture qui conduisait à la porte sur laquelle ouvraient les marches, où commençait le sinistre souterrain secret, et il vit la lumière de la lampe électrique de Prosper briller comme un point dans l'eau sombre, puis il la vit s'éteindre aussitôt. Surpris de voir cette lumière en dehors de la route de reconnaissance tracée par Martin Numa, en dehors du couloir qu'il avait exploré ces jours-ci avec Prosper et le chef, Philippe s'arrêta. Il pénétra par la porte laissée entr'ouverte tout à l'heure par Prosper. Il se trouva sur les marches. Il les descendit et arriva bientôt à la hauteur de l'eau qui emplissait à peu près la voûte. Philippe n'hésita pas une seconde. Il aspira fortement, fit dans sa poitrine ample provision d'air, et il plongea à son tour dans cette eau boueuse et lourde. Avec son ampoule électrique, il put se diriger, saisit le bras de son camarade qui, dans une crispation suprême, dans la lutte dernière, touchait presque aux premières marches. Il le ramena ainsi que son fardeau et put enfin lui faire sortir la tête de l'eau, lui permettre de respirer. Le sauver, en un mot. Maintenant, ils étaient dans le couloir principal, n'ayant plus à craindre l'invasion de l'eau. Ils se tenaient à genoux, tous deux, devant le corps du chef, se demandant s'ils n'avaient pas ramené un cadavre. Philippe appuya la main sur le cœur du chef, évanoui, et s'écria avec joie « Il bat ! Le chef est vivant !» Philippe mit un sifflet à ses lèvres et fit entendre une modulation spéciale. Aussitôt, des deux côtés du couloir accoururent des hommes munis chacun d'une lampe électrique. Ils s'arrêtèrent, tous consternés devant le corps du chef, mais aussitôt Philippe les rassura « Vivant ! » cria-t-il, « vivant !» Pendant ce temps, il avait coupé les liens qui retenaient les bras de Martin Numa. Il avait dégagé sa poitrine afin de donner plus de jeu à ses poumons. Aidé par deux hommes, car Prosper, épuisé, ne pouvait leur prêter aucun secours, Philippe étendit son chef sur le sol, lui souleva un peu le buste pour pencher sa tête en arrière, lui faire rendre l'eau qu'il avait absorbée et qui gênait les fonctions de ses poumons. Il appuya sur son sternum pour établir artificiellement la respiration. Il opéra la traction rythmique de la langue. Enfin, au bout de quelques minutes, qui parurent à tous ces hommes anxieux, plus longues que des siècles, Martin Numa commença à respirer tout seul. Il était maintenant définitivement sauvé. Plus rien n'était à craindre. Il ne restait plus qu'à laisser faire le temps qui permettrait à la nature de redevenir elle-même et de reprendre son cours normal. On emporta avec des précautions infinies le chef tant aimé. Il fallait songer cependant à la retraite. Mais arrivé au regard derrière l'église Notre-Dame de Lorette, Philippe et Prosper, maintenant revenus à lui, se dirent avec juste raison qu'il ne fallait pas laisser voir aux ennemis, qui devaient avoir posté des espions, que l'on ramenait un blessé et surtout qu'on avait sauvé le chef. Alors ils continuèrent sous terre leur lugubre promenade, et au lieu de remonter par le regard de Notre-Dame de Lorette, ils sortirent des égouts sur la place de la Trinité. Les autos prévenus attendaient Martin Numa. On l'installa avec Prosper et Philippe dans une voiture qui fila à toute allure vers l'appartement secret de la rue des Prouvaires. Ainsi, celui que les bandits croyaient avoir assassiné, muré vivant, Martin Numa était sorti de son effroyable tombeau. Le mort s'était échappé. Ainsi s'achève Martin Numa, roi des policiers, de Léon Sazy.